Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de ce journal. En voici l'essentiel. Plus de 30 cas d'accidents ont été rapportés dans la province Kayanza pour le trimestre passé. Ces accidents ont apporté la vie de 2 personnes et près d'une quarantaine de blessés. Notre correspondant à Kayanza nous fera le point dans ce journal. À Bobanzal, on vous parlera des cas d'abandon scolaire dans les écoles fondamentales suite au manque de subsides pour les cantines scolaires depuis le début de l'année scolaire en cours. Et la chronique nutrition de ce dimanche est centrée sur les vertus d'un pamplemousse qui participe dans la prévention contre l'hypertension. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, des personnes et 38 autres blessés. Tel est le bilan de 34 accidents de roulage survenus en province Kayanza au cours de ces 3 derniers mois. Au niveau de la police à Kayanza, l'on recommande aux conducteurs d'éviter l'excès de vitesse qui est la cause majeure de ces accidents, selon la police. Elle demande à l'administration locale de construire des dodanes et surtout à des centres où se réunissent beaucoup de personnes pour limiter le nombre d'accidents. Le point avec Patrick Sengeyomva. Selon les données chiffrées fournies par la police à Kayanza, parmi ces 34 accidents de roulage survenus au cours de ces 3 derniers mois, 13 sont du mois de juillet, lesquels ont emporté la vie d'une personne avec 17 autres blessés. Selon toujours ces mêmes données, au mois d'août, il y a eu 10 accidents dont le bilan est de 12 blessés. Au niveau de la police à Kayanza, l'on fait savoir également que même au mois de septembre, 7 accidents de roulage sont survenus et ont emporté la vie d'une personne et 9 autres blessés. OPC 2, Gabin Dikouli, au commissaire de police à Kayanza, qui confirme ces informations, indique que les causes de ces accidents de roulage sont principalement l'excès de vitesse chez certains conducteurs, l'ignorance du code de la route chez d'autres, le glissement des terrains et les nids de poules dans certains endroits de la route nationale passée à Kayanza, ce qui explique-t-il fait que les voitures surtout se cognent et d'autres dérapent. Le manque des dodanes à certains centres où se réunissent beaucoup de personnes près de la route nationale est aussi une autre cause non négligeable parmi celles des accidents routiers, ajoute le commissaire de police à Kayanza. Celui-ci demande à l'administration de s'impliquer, surtout pour la réparation des routes où s'observent des nids de poules et la construction de ces dodanes. Venu Tendouimana, conseiller du gouverneur en province Kayanza, chargé du développement, tranquillise, ordonne que tous les administrateurs communaux de cette province sont déjà informés qu'ils doivent le faire chacun dans son entité administrative, et ce pour limiter le nombre des accidents de roulage et toutes les conséquences qui s'en suivent. Depuis Kayanza, Patrick Sengiumba pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengiumba. Toujours dans cette province de Kayanza, 3 adeptes des Ebi Ngenda Koumana en situation de garde de vue en commune Gaombo pour être interrogés par l'officier de la police judiciaire dans cette commune. Selon Sylvestre Nzuganayo, administrateur de la commune Gaombo, les mobiles de leur arrestation, c'est qu'ils ont été attrapés le matin de ce dimanche en possession de certains objets dont on se sert pendant la célébration de la messe à l'église catholique, à savoir la soutane et des hosties et des livres qui sont utilisés par le prêtre pendant l'union des mariés à l'église. À leur arrivée à Gaombo, annonce cette autorité communale, ces adeptes des Ebi disaient qu'ils étaient venus à se joindre à l'un d'eux pour son union légale à l'état civil, mais après l'on a remarqué que leur objectif était de se rassembler dans leur ancien lieu de culte qui est aujourd'hui fermé sous l'ordre du ministère et à la sécurité dans ses attributions. Sylvestre Nunzgenayo, administrateur de la commune Gaombo, indique que sauf 3 qui ont gardé pour question d'enquête ont été libérés pour regagner leur familles respectives. Le gouvernement burundais compte extendre les réseaux métropolitains à fibre optique des villes de Bujumbura, Gitega et Ngozi. Le projet de mémorandum d'entente entre le Burundi et la société égyptienne a été adopté lors du conseil des ministres tenu au cours de cette semaine. Ce projet de mémorandum d'entente prévoit aussi la modernisation de la téléphonie fixe. Suivez à ce propos Prosper Nhagwamiye dans cet extrait du compte rendu de ce conseil des ministres. Le secteur des technologies de l'information et de la communication joue un rôle d'accélérateur de développement socio-économique du pays. C'est dans ce cadre que le Plan national de développement 2018-2027, dans ses axes, met un accent particulier sur la promotion de ce secteur, s'alignant aux projets inscrits dans la stratégie sectorielle de mise en œuvre du Plan national de développement. Et au regard de l'importance du secteur privé dans le développement des technologies de l'information et de la communication, et de l'expertise internationale reconnue à la société égyptienne LCOID Électronique, le ministère de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias souhaite établir un cadre de négociation avec cette société. C'est l'objet de ce mémorandum. Il contient les termes préliminaires et les conditions dans lesquelles les parties envisagent établir des relations de coopération afin d'analyser, de planifier et d'exécuter les projets faisant objet de ce mémorandum, à savoir la mise en place d'un centre de données national intégré, le projet d'extension des réseaux métropolitains à fibre optique dans les villes de Bujumbura, Gitega et Ngozi, la modernisation de la téléphonie fixe. À l'issue du débat, le projet de mémorandum a été adopté avec la recommandation qu'au moment du montage des projets, ceux-ci soient soumis au gouvernement pour qu'il s'assure de leur faisabilité. C'était Prosper Naouamié, secrétaire général de l'État. Après une courte pause, page éducation au rendez-vous. Captez Isanganilo, écoutez la différence. À 13h04, poursuivant cette édition, certains élèves commencent à abandonner l'école, les autres enregistrent beaucoup d'absences suite au non-approvisionnement en vivres dans les cantines scolaires dans la commune Musigati de la province Bubanza, comme le rapportent certains administratifs locaux. Les responsables des écoles précisent que ces vivres en provenance du PAM n'ont pas encore été donnés depuis la rentrée scolaire 2021-2022. Les superviseurs de la distribution de ces vivres au niveau du diocèse expliquent qu'il s'agit d'un petit problème d'approvisionnement survenu au niveau du PAM, le point avec Pescaritas Kabanyana. Sur certaines écoles fondamentales de la commune de Musigati, certains enfants commencent déjà à abandonner l'école, surtout ceux des familles vulnérables. D'autres s'absentent souvent suite aux cantines scolaires qui ne sont pas fonctionnelles depuis le début de ce trimestre, selon les administratifs locaux qui l'ont déclaré lors d'une réunion de sécurité tenue dernièrement en commune Gihanga. Ces cantines fonctionnent à base de vivres fournis par le Programme alimentaire mondial PAM, préparé et servi à l'école par les comités des parents et les comités des enseignants. Et depuis la rentrée scolaire 2021-2022, ces vivres ne sont pas fournis selon les directeurs des écoles fondamentales contactées, qui précisent aussi que même les restes pour l'année scolaire passée, ils ont eu injonction de les distribuer aux enfants qui partaient en grandes vacances afin d'éviter qu'ils soient périmés dans les stocks. Les superviseurs de la distribution de ces vivres reconnaissent ce retard d'approvisionnement des vivres aux cantines scolaires. Gordien Bakureho, superviseur diocésain pour les provinces de Bubanza, Cibitoke et une partie de Bujumbura, explique qu'il s'agit d'un problème survenu au niveau du PAM et que d'un moment à l'autre, la situation peut être débloquée et les cantines scolaires pourront reprendre le fonctionnement normal. Spécialitas Kawanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Toujours page éducation, le ministère de l'Éducation nationale de la recherche scientifique dit être à l'œuvre pour lutter contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. Le conseiller planificateur et responsable de la cellule Zéro Grossesse à la Direction générale de l'Éducation et de la Recherche scientifique explique que ce ministère a déjà arrêté une stratégie pour éradiquer ce désastre d'ici 2026. Bernard Nahimana lance un appel vibrant aux parents en particulier de se donner corps et âme pour la réussite de cette stratégie. On l'écoute. On a déjà élaboré une stratégie nationale de lutte contre les grossesses des élèves. Vous voyez que c'est déjà grand chose. Cette stratégie va rassembler pas mal d'acteurs, différents ministères impliqués, les parents, les élèves et même les congrégations religieuses et des communautés, les élus du peuple, eux qui sont à tout moment auprès de la communauté, auprès de la population, ils seront impliqués. Cette stratégie a pour objectif général de contribuer à réduire à zéro les grossesses des élèves et les abandons scolaires. Jusqu'en 2026, donc il y a 5 ans, on a l'espoir que nous y arriverons. Spécifiquement, il s'agit d'améliorer le cadre légal, juridique, réglementaire, pourquoi pas institutionnel, pour lutter contre ces violences basées sur le genre et les grossesses des élèves, et aussi d'améliorer le maintien de ces jeunes élèves et adolescents dans le système éducatif et améliorer l'accès à l'éducation, surtout complète, à la santé, dans le strict respect de la culture burundaise, et aussi assurer l'accès à l'information claire et complète sur la santé sexuelle et de la reproduction adaptée aux jeunes selon les différents niveaux d'âge dans le respect des valeurs morales burundaises. Aussi, il faut qu'il y ait le leadership de jeunes et adolescents ainsi que le renforcement des capacités des familles, des communautés, des locaux et de religieux. Donc globalement, la stratégie a ses objectifs et nous voudrions que d'ici 2026, on ne parle plus de grossesse des élèves dans les écoles. Toujours éducation, mais cette fois-ci à Mwaro, où les inscriptions à l'université de cette province ont diminué de 10% ces dernières années. Selon le recteur de cette université, certaines filières de cette université similaire à celle des universités de Bujumbura est l'une des causes de cette diminution. Selon le recteur de cette institution universitaire, une réunion regroupant les responsables administratifs et les chefs de service de cette province a été tenue ce samedi par le vice-président de la République, dans le but d'évaluer les appuis communautaires en faveur de cette université, Laurent Ndikourio. L'université de Mwaro compte aujourd'hui environ 300 étudiants dans 5 filières paramédicales, selon son recteur, Père Liboire Kagabo. Il précise que les effectifs d'étudiants qui se font inscrire à cette université ont diminué ces dernières années. Selon Apollinaire Sindaikeng, la présidente de l'Association pour la formation et la recherche pour soutenir cette université, des appuis sont en train d'être collectés au niveau des communes de cette province, au niveau des services provinciaux ainsi que dans les ménages. Une somme de 93 millions est nécessaire pour soutenir cette université, indique-t-il. Selon différents administrateurs communaux de la province Mwaro et les chefs de service, des contributions ont été collectées, même si un pas reste à faire. Au niveau du secteur de l'éducation, par exemple, Omer Barandagie, directeur provincial de l'enseignement en province Mwaro, dit que le niveau de recouvrement de ces contributions au niveau des membres de ce secteur est de 52%. Apollinaire Sindaikengera, président de l'association AFREM, a demandé aux participants à la réunion de ce samedi pour évaluer le pas franchi dans la collecte de ces fonds, de sensibiliser pour que le nombre d'étudiants qui se font inscrire à cette université de Mwaro puisse augmenter. Le vice-président de la République, Prosper Badzombanza, demande aux responsables administratifs des communes de cette province et les chefs de service de la province de Mwaro de donner au plus tard le 15 novembre de cette année, un rapport détaillé montrant la part de la somme collectée et celle qui reste à recouvrer. De Mwaro, Laurent Ndikourio, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le pamplemousse est un fruit riche en vitamine C et en flavonoïdes. Ce fruit intervient dans le bon fonctionnement des artères et contribue dans la prévention contre l'hypertension artérielle. Le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza explique que la consommation de ce fruit diminue le risque des maladies cardiovasculaires. La chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonga. Le pamplemousse contient d'antioxydants, selon Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, qui explique que ce fruit est doté de nombreux atouts nutritionnels. Parmi ces vitamines, il faut citer la vitamine C qui comprend 34,4 mg par 100 g, qui y est présent dans une quantité inférieure à celle d'orange. La pamplemousse contient aussi les minéraux. À ce qui concerne les minéraux, le pamplemousse contient peu de sodium et haute en potassium, en plus d'une certaine quantité de calcium et de magnésium. Étant donné que le pamplemousse possède la plupart de ses propriétés diétético-thérapeutiques sont attribuables à ses composants non nutritifs. On peut citer la pectine qui est sous forme de fibres. Il s'agit d'un type de fibres végétales solubles qui se trouve dans de nombreux fruits comme les agrumes et les pommes, ainsi de suite. La fibre végétale du pamplemousse a été le premier composant non nutritif des aliments qui a été étudié en raison de ses effets médicinaux et son rôle protecteur des artères, comme l'ont démontré de nombreuses expériences scientifiques. Selon ce chercheur, ce fruit est bon pour les gens qui souffrent de l'hypertension artérielle, de même que les gens qui souffrent de la goutte. Personnes qui ont des artériosclérose, les maladies des artères ou bien les dissèchements des artères, le pamplemousse exerce une action protectrice sur les parois des artères. Il évite aussi que ces parois épaississent et durcissent à cause du dépôt du cholestérol et à leur calcification artérielle. Un processus connu sous le nom d'artériosclérose. Le pamplemousse exerce une action qui lutte contre des problèmes circulatoires grâce à sa très faible teneur en sodium et en graisse. Et le pamplemousse est recommandé aux personnes qui souffrent du cœur, les problèmes du cœur, les hypertendus, l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine et l'insuffisance cardiaque et d'autres problèmes. Le pamplemousse exerce une bonne action sur les cas d'excès d'acide urique. Toute manifestation confondue, c'est-à-dire la goutte, arthrite, à cause d'un excès d'acide urique. Quant à sa consommation, il est bon de le consommer étant frais ou le mélanger avec d'autres fruits. Le pamplemousse peut se consommer étant frais. Il convient de consommer le pamplemousse avec sa fibre riche en pectine et se trouve surtout dans la coarse branche qui se trouve sous la peau et entre les quartiers. On peut aussi consommer le pamplemousse sous forme de jus. C'est une bonne alternative au jus d'orange ou de citron auquel il peut être mélangé avec d'autres fruits. Il peut mélanger avec la pastèque, ça peut être mélangé par l'ananas, ça peut être mélangé avec d'autres fruits, les fraises, ainsi de suite. Le pamplemousse est d'origine asiatique. Il est apparu en Malaisie et il était beaucoup cultivé en Chine. Merci Jean-Marie Mayonga et un haut chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci Albert Ndouayo pour la mise en onde. Au revoir.